Il est 19h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Bienvenue dans Electric Shock, votre magazine métal du mardi soir. Ravi de vous retrouver une fois de plus pour ce décrassage auditif de 2h. Croyez-moi, il va y en avoir pour tous les goûts, comme toutes les semaines d'ailleurs. Ce soir, eh bien, j'aurai 4 nouveautés à vous proposer dans des styles complètement différents les uns des autres. Bien sûr, on va revenir sur les petites choses qui ont fait l'actualité. Puis, je vais vous parler aussi du fabuleux concert Retour dans le temps que Queensryche nous a donné hier soir au Trianon à Paris, où le groupe donc réinterprétait son EP éponyme et son premier album The Warning, sorti respectivement en 83 et 84. Ouais, je sais, ça ne nous rajeunit pas tout ça, mais putain que c'était bon. Enfin, ça, je vais vous en parler tout à l'heure. Eh bien, si vous êtes prêts, si vous êtes bien installés, on va commencer tout de suite avec le nouvel album solo de Mark Tremonti, son 5e, le guitariste solo d'Alter Bridge, qui fait donc une petite récréation de son groupe vedette pour en fait nous ressortir un Alter Bridge bis, hein, quelque part. Mais bon, on va pas s'en plaindre. Celui-ci, ben, je vous l'ai présenté la semaine dernière. Son titre, c'est The Hand Will Show in Us How. Voilà, The Hand Will Show Us How. Voilà, je l'ai dit. Et on va se décrasser tout de suite les esgourdes avec One More Time. Take away the revival to a line up and I talk. I'm talking in tongues and kicking at the bones I stole. I stole and I take full responsibility for my own inability to run, run, run and beat the time. Run, run, run until I lose my mind. I'm a run, run, run. Franco-Suisse de Trunk et leur deuxième album The Maze, c'était le morceau Pray for Rain. Venu des States, c'était Mark Tremonti avec son cinquième album solo, guitariste d'Alter Bridge, qui nous revient donc avec The End Will Show Us How, et on a eu One More Time qui a donc ouvert l'émission. Comme je vous le disais tout à l'heure, juste avant de commencer, hier soir donc j'ai eu l'occasion d'aller voir Queensryche à Paris, qui donc nous jouait la séquence émotion retour vers le futur en rejoignant donc The Warning et son EP éponyme, donc sorti respectivement en 83 et 84. Ah oui, c'est vrai que tout ça, ça ne nous rajeunit pas. D'ailleurs, quand on voyait la tête du public, les cheveux étaient plutôt clairsemés ou alors la crinière plutôt blanche. C'est clair que la plupart des gens étaient un peu comme moi aussi, histoire de se rappeler un petit peu leur folle adolescence où ils découvraient ce groupe qui allait vraiment, quand même cartonner et puis surtout quand même faire évoluer notre musique préférée de façon quand même très intéressante. Donc, Todd Latore, que je n'avais encore jamais vu en concert avec Queensryche, m'a vraiment sidéré. C'est un clone vocal de Geoff Tate vraiment époustouflant. Bon, il n'a peut-être pas son charisme, mais il s'en sort très très bien. Et musicalement, le groupe est toujours au taquet, et vraiment, ça l'a fait. Évidemment, la setlist était sans surprise, puisqu'on a eu droit donc au EP et à l'intégralité de The Warning. Le rappel, par contre, on se demandait qu'est-ce qu'il y allait avoir. On a eu Walk in the Shadows de Rage for Order, on a eu deux titres de Empire, Jet City Woman et Empire, et on a terminé en apothéose avec Eyes of a Stranger de Operation Mindcrime. Bref, une très belle soirée. En plus, d'autant plus qu'en amuse-gueule, on a eu les Américains de Night Demon qui nous font un heavy metal classique, sans surprise, mais vraiment très efficace et qui a très bien chauffé la salle. Eh bien, on va se faire un petit extrait live de Queensryche sur l'album éponyme qui était sorti en 2013, le premier avec Todd Latore. Il y avait un petit CD bonus avec trois titres live, histoire de le présenter pour montrer que le gars il était capable d'assurer. C'est extrait donc d'un concert enregistré à Snoqualmie en 2012. Et on va se faire le morceau qui a quasiment donné son nom au groupe, c'est Queen of the Reich en live. We'll be right back. disais, peut-être pas le groupe le plus original de la Terre, mais point de vue efficacité, ça le fait. Night Demon avec Night Demon, tout simplement. Ça, c'était extrait de leur double live, Live Darkness, sorti en 2018. Juste avant, bon, vous avez reconnu le classique Queen of the Reich, version live, qui figurait donc sur le CD bonus de l'album Queen's Reich, sorti en 2013. Ah, ça nous rappelle le concert d'hier soir. Eh bien, on va se faire donc la première nouveauté de la soirée avec un groupe parisien qui s'appelle Two Sisters. Alors, Two Sisters, ils existent déjà depuis une dizaine d'années, c'est un groupe de la région parisienne. Ils ont déjà fait un album, celui-ci est leur deuxième. Il s'appelle She Likes Monsters, avec une photo où on voit Boris Karloff à l'époque où il devait tourner donc Frankenstein, qui était en train de boire un café malgré son maquillage avec une femme qui lui tend donc une tasse de café en souriant. Alors musicalement, on est quand même pas loin de des Stooges, de Motorhead, des Sonics, enfin de, bref, c'est du punk rock garage qui découche, comme disait notre ami Wilfred. Et tiens, d'ailleurs, j'ai vu que les Two Sisters, ils seront en concert au Dropkick le 28 mars prochain, en compagnie de Yeti, de Turn Off et d'un nouveau groupe qui s'appelle The Calamities. Voilà. Eh bien, on va se faire un petit extrait donc de cet album sorti fin janvier qui s'appelle donc She Likes Monster. Oui, je vous l'ai déjà dit. On va se faire donc Your Song. Try to Blanket the Dark, c'est leur dernier album Boomerang, c'était donc Hang Around. Nouveauté de la soirée, Your Song, Two Sisters, avec She Likes Monster, donc leur deuxième album. Et première nouveauté de la soirée, d'ailleurs, Two Sisters sera en concert au Dropkick le 28 mars prochain. Voilà pour en rappel. On va changer complètement de registre maintenant, puisqu'on va aller faire un tour dans le Grand Nord. Ambiance chamanique avec Wardruna, les Norvégiens, qui nous chantent dans leur langue natale des psaumes, enfin des choses, comment dirais-je, des litanies aux dieux. Enfin, on imagine une horde de vikings, là, avant le combat, en train de se recueillir, prête à devant un chaman, en train de les bénir. Enfin, voilà. Birna, c'est le titre de l'album, et c'est le titre de ce soir, ce qui signifie, je crois, l'ours. Bon, un petit problème technique. Je sais pas ce qu'elle nous a fait encore, cette platine, mais bon, voilà, ça s'est arrêté. Je vous relance Wardruna. On a réussi quand même à le passer. Ouf, comme vous pouvez constater, si c'est du direct, c'est du live avec tout ce qu'il peut y avoir comme voilà, comme empêchement, comme peu de voilà, comme voilà. Vous voyez, j'arrive même pas à vous parler, c'est du brut. Donc Wardruna avec Birna, qui donne donc son titre à l'album. On va changer de style, on va faire un petit tour du côté du live posthume de Magnum, Live at KKR Steel Mill, donc qui était leur dernier concert pendant la tournée The Monster Roars, qui était donc l'album qu'ils étaient là pour promouvoir. On va d'ailleurs se faire un titre de cet album, c'est The Day After The Night Before. Tenderloin, Blue Oyster Cult, morceau qui figurait originellement sur le fameux Agents of Fortune. Bon, c'est pas le plus connu, mais bon, il est vraiment sympa. Ça, c'était extrait donc du 50th Anniversary Live in New York, Third Night, sorti en fin d'année dernière. Juste avant, donc, Magnum avec le morceau The Day After the Night Before, lui, extrait du live at KK Steel Mill. Eh ben, on va se faire la deuxième nouveauté de la soirée avec un groupe venu du nord de la France, qui s'appelle Death Structure. Alors Death Structure, c'est un groupe de moderne death metal qui existe depuis 2016. Ils ont sorti déjà un EP en 2017 qui s'appelait Asphyxiate, ainsi qu'un premier album qui s'appelait Paroxysme en 2021. Et là, il y a quoi? Oui, ce qui est marqué sur la pochette. Oui, 8 jours, tout bouillant. Ils ont sorti donc leur deuxième album, Le Déni. Donc, si vous aimez le death metal puissant, méchant et autres, vous allez adorer. On s'envoie A Critical Point of Humanity. We'll be right back.

Ces deux petites berceuses vous étaient offertes par Electric Shock. Electric Shock tous les mardis soirs entre 19h et 21h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. C'était Wusquam avec son premier album Ex Nihilo et le morceau Egocide. Et juste avant, une nouveauté de la semaine, les Nordistes de Deathstructure et leur deuxième album Le Déni. C'était donc Critical Point of Humanity. On va passer à quelque chose de grandement aussi technique, mais de beaucoup plus relaxant, avec le nouveau album de Dream Theater Parasomnia, qui voit donc le retour du fils prodigue Mike Portnoy. Bon, je sais que je lis partout des chroniques dithyrambiques. Bon, je vais pas vous redire ce que j'ai dit la semaine dernière. Ce que j'en pense, c'est que ça reste un album, un bon album de Dream Theater. Voilà, point barre. Extrait donc de cet album, Midnight Messiah. We'll Dream Theater, donc Midnight Messiah, c'était donc le morceau de ce soir, extrait donc du dernier album Parasomnia. On va changer complètement encore une fois de style, là on va faire un tour dans le désert américain, et pourtant ils sont lyonnais, c'est le nouvel album de Dieseldust, Just Another Dead, dont on va se faire un petit extrait maintenant. Un album qui sent bon la poussière, le sable, le whisky frelaté. Et bref, on se croit dans un western de Sergio Leone. Donc, extrait donc de cet album. Si vous aimez Lynyrd Skynyrd, Molly Hatchet, c'est fait pour vous. Le morceau Violence. vraiment sympa, ce nouvel album de Diesel Dust, Just Another Day. C'était donc Violence. Et bien maintenant, on va se faire donc la troisième nouveauté de la soirée. Et je vous invite à découvrir un nouveau groupe qui vient de Clermont-Ferrand, groupe de rock alternatif, qui s'appelle ISI8, si vous préférez ISI8 en français. Donc ils existent depuis 2021, ils nous proposent un mélange de Tom Waits et de Nine Inch Nails, donc rock très années 90. Ils viennent donc de sortir leur premier album là le 31 janvier dernier. Il s'intitule The Convolution Encore et on va découvrir avec le morceau The Encore. Everything around I run. have no hair, just a heart on legs. Feeling sweet, this life so bland, without a brain. I have a watch, but it makes no sensation for y'all. Then repeat. Did I tell you I have no hair? Did I tell you I have no brain? It doesn't show most of the time. I know small talk and sign language. I write poems in my own tone. Package in my luggage. Oh, did I tell you I have no hair? Did I tell you I have no brain inside? Just a hollow lens. Did I tell you I have no C'était un extrait de Second Life, le premier album du groupe Liquid Bear, qui était une des nouveautés la semaine dernière. Juste avant, on a eu la troisième nouveauté avec ISI Hate, groupe de Clermont-Ferrand, et son premier album The Convolution Encore, et c'était le morceau The Enchore. Restons en France et faisons un petit tour, allons vers La Rochelle, retrouver Walnut Groove d'ici, et donc si vous aimez le gros, le gras, le lourd, c'est parfait, extrait de son album Deeper, on va se faire The 50 au Foot Woman. Time is running out, but I'm Scopia et son EP The Midnight Hour Hippie, c'était Sorrow Creeps, et juste avant Walnut Grove DC, avec un petit extrait de l'album Deeper, 50 Foot Woman. Et on attaque bientôt la dernière demi-heure d'Electric Shock, et on va se faire donc la dernière nouveauté de la soirée, la quatrième. On reste toujours en France, et je vous invite à faire un petit tour du côté de Toulouse, découvrir le groupe New Titi. New Titi, c'est un tout nouveau groupe qui vient de sortir son premier album le 31 janvier dernier, qui s'appelle The White Noise of Ignorance. Ils se proclament eux-mêmes du rockcore, c'est-à-dire qu'un mélange de rock musclé qui oscille entre du metalcore, du heavy rock, du punk, enfin donc quelque chose d'assez énervé. Fusion de genre où il y a plein de choses différentes, menée par un chant féminin aussi tant abrasif qu'aérien. Enfin bref, c'est une main de fer dans une gant de velours. Enfin, par contre, le morceau que je vais vous passer ce soir est plutôt main de fer. Hein. C'est Subvert, extrait donc de The White Noise of Ignorance. Can't you tell? Always a working progress. Radio Arc-en-Ciel 96.2. Oui, vous écoutez bien Electric Shock sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Donc, tous les mardis soirs, entre 19h et 21h. À l'instant, c'était In This Moment avec God Mode. Extrait donc de l'album du même nom sorti en 2023. C'est donc leur dernier. Juste avant, le groupe toulousain New Titi avec The White Noise of Ignorance, leur premier album. C'était le morceau Subvert et également la dernière nouveauté de la soirée. Eh bien, allons faire un petit tour à Londres, où OPEF enregistrait et filmait un de leurs concerts en 2010. Et pourquoi est-ce qu'on va se passer du OPEF ? Parce que ils seront en concert à l'Olympia le 21 février prochain. Et donc, on va se faire un grand classique de OPEF, c'est-à-dire le Rime of the Ancient Mariner du Death Metal, avec le morceau Blackwater Park, donc extrait du CD, du double CD... Plus dans triple CD, double DVD, sorti en 2010, In Live Concert at the Royal Albert Hall de Blackwater Park maintenant.

Blackwater Park d'Opeth, à la limite, on peut dire quasiment que c'est le premier morceau de death metal progressif, l'équivalent de Rime of the Ancient Mariner dans le cadre du heavy metal progressif de Opeth. Et là, cette version est extraite du Live in Court Concert à The Royal Albert Hall, sorti en 2010. Et Opeth sera donc en concert à l'Olympia le 21 février. Bah, il nous reste encore un petit peu de temps, on va se faire un petit morceau épique du duo Pvrs, je crois que ça se prononce comme ça, PVRS, extrait donc de l'album Solstice, et on va se faire le morceau Shadow pour terminer Electric Shock ce soir. Shadow des Belges de Pfers, extrait de Solstice. Voilà, donc c'était le dernier morceau pour Electric Shock ce soir. Et bien on se retrouve la semaine prochaine, bien sûr, pour de nouvelles aventures et des nouvelles découvertes. Mais la musique continue sur Radio Arc-en-Ciel 96.2, puisque Electro Live va commencer tout de suite maintenant avec les une minute d'avance. Pour une fois, c'est tellement rare que j'en profite pour le dire. On va voir ce que l'ami Christophe a nous proposé. Salut Christophe. Salut, bonsoir à toutes et à tous. Qu'as-tu à proposer aux amis nightclubbers d'Electro Live ce soir? Ouais, de la progressive pendant peut-être une heure, une petite heure, ça dépend de mon envie. Puis après de la tech, la techno. Donc voilà. Toujours le son et lumière aussi en fait. Ah oui, toujours sur Twitch, DJ underscore Chris underscore Space. Si vous voulez l'image en plus du son. Donc voilà, si vous avez donc envie d'écouter sur le site web de la radio et de voir le DJ en pleine action. Yes. Voilà. En attendant, Radio Arc-en-Ciel 96.2, Electro Live, c'est tout de suite maintenant.